d'Émile Zola. Adaptation, Pauline Timonier. Réalisation, Baptiste Guiton. Sixième épisode. Les mineurs de la fosse du Voreux sont en grève depuis un mois. Les caisses de prévoyance sont vides et le refus de crédit de l'épicier Maigrat a achevé les espoirs. Devant la menace de la compagnie de rendre leur livret aux grévistes et d'embaucher des ouvriers belges, les travailleurs se retrouvent un soir en pleine forêt, autour d'Étienne, pour voter la poursuite de la grève et intensifier leur action en empêchant les camarades des autres sites de descendre dans les puits. Rendez-vous est donné pour le lendemain matin sur le site de Jean Barre, une fosse où travaillent Catherine et Chaval, qui vivent ensemble désormais. Le matin, dès 3 heures, Chaval était arrivé le premier, débauchant les camarades, les convainquant qu'il fallait imiter ceux de Montsou et demander une augmentation de 5 centimes par berline. Bientôt, les 400 ouvriers du fond avaient débordé de la baraque. Ceux qui voulaient travailler tenaient leurs lampes, pieds nus, la pelle ou la rivelaine sous le bras, tandis que les autres, encore en sabots, barraient le puits. Mais Chaval s'emporta quand il aperçut Catherine en culotte et en veste, la tête serrée dans le béguin bleu. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Elle bégaya qu'elle n'avait pas des rentes et qu'elle voulait travailler. Il ne lui donnait jamais d'argent et elle devait souvent payer pour elle et pour lui. Et qu'allait-elle devenir si elle ne gagnait plus rien ? Alors, tu te mets contre moi, garce ! Allez, rentre tout de suite ! Je te raccompagne à coups de sabot dans le derrière ! Peureusement, elle recula, mais elle ne partit point. Monsieur Denelin, le patron de la fosse, arrivait par l'escalier du criblage. Expliquez-moi qu'est-ce qui vous fâche, là ? Hein ? Voyons, vous n'allez pas me faire repentir d'avoir répondu de vous. Vous savez que j'ai refusé ici un poste de gendarme. Alors parlez tranquillement, je vous écoute. Voilà. Monsieur Denelin, nous ne pouvons continuer à travailler. Il nous faut 5 centimes de plus par berline. Comment ? 5 centimes ? Alors, à propos de quoi cette demande ? Moi, je ne me plains pas de vos boisages. Je ne veux pas vous imposer un nouveau tarif comme la régie de Montsou. C'est vrai ! C'est vrai ! Ah, c'est possible ! Mais les camarades de Montsou sont tout de même dans le vrai. Ils repoussent le tarif et ils exigent une augmentation de 5 centimes parce qu'il n'y a pas moyen de travailler proprement avec les marchandages actuels. Nous voulons 5 centimes de plus, n'est-ce pas, vous autres ? Centimes et j'accorde que la besogne les vaut. Seulement, je ne puis pas vous les donner. Si je vous les donnais, je serais simplement fichu. Comprenez donc qu'il faut que je vive, moi d'abord, pour que vous viviez. Et je suis à bout. La moindre augmentation du prix de revient me ferait faire la culbute il y a 2 ans. Rappelez-vous, lors de la dernière grève, j'avais cédé. Je le pouvais encore. Mais cette hausse du salaire n'en a pas moins été ruineuse. Car voici 2 années que je me débats. Aujourd'hui, j'aimerais mieux lâcher la boutique tout de suite que de ne savoir le mois prochain où prendre l'argent pour vous payer. Chaval avait un mauvais rire en face de ce maître qui leur contait si franchement ses affaires. Les autres baissaient le nez, têtus, refusant de s'entrer dans le crâne qu'un chef ne gagna pas des millions sur ses ouvriers. Alors Denelin insista. Il expliquait sa lutte contre Montsou, prêt à le dévorer. C'était une concurrence sauvage qui le forçait aux économies. Et il les menaçait du lendemain, quel beau résultat pour eux s'il l'obligeait à vendre, de passer sous le joug terrible de la régie. Lui n'était pas un de ces actionnaires qui payent des gérants pour tondre le mineur sans l'avoir jamais vu. Il était un patron, il risquait autre chose que son argent, il risquait sa vie. L'arrêt du travail allait être la mort tout bonnement, car il n'avait pas de stock, et il fallait pourtant qu'il expédiât les commandes. Comment tiendrait-il ses engagements ? Ce serait la faillite. Voilà ! Mes braves, je voudrais vous convaincre que je vous donne vos 5 centimes ou que je vous laisse vous mettre en grève, c'est comme si je me coupais le cou. Que tout le monde soit libre. Quels sont ceux qui veulent travailler ? Moi ! Nous sommes tous d'accord. Il n'y a que les gens foutres qui lâchent les camarades. Dès lors, la conciliation parut impossible. Le directeur dut se retirer dans le bureau du receveur. Il demanda à un surveillant d'aller lui chercher Chaval. Monsieur le directeur, il est là.

Moi, je suis qu'un ouvrier comme vous autres. On m'a dit de garder. Je garde. Je me fous dans le puits devant vous. Une grande secousse remporta la bande. Tous avaient tourné le dos. La galopade reprenait sur la route droite, filant à l'infini au milieu des terres. On passa coup sur coup près des maisons basses de deux corons, et de chacun, des familles sortirent, galopant, se joignant à la queue des camarades. Quand on arriva devant Madeleine, on était bien 1500. Il n'était guère plus de 2 heures, mais les porions, avertis, venaient de hâter la remonte, et comme la bande arrivait, la sortie s'achevait. Il restait au fond 20 d'hommes qui débarquèrent de la cage. Ils s'enfuirent, on les poursuivit à coups de pierre. Cette chasse à l'homme sauva le matériel, on ne toucha ni aux câbles ni aux chaudières. Déjà le flot s'éloignait, roulait sur la fosse voisine. Celle-ci, Crève-Cœur, ne se trouvait qu'à 500 mètres de Madeleine. Là également, la bande tomba au milieu de la sortie. Une herscheuse y fut prise et fouettée par les femmes, les fesses à l'air devant les hommes qui riaient. Les galibots recevaient des gifles, des haveurs se sauvèrent, le nez en sang. Et dans cette férocité croissante, dans cet ancien besoin de revanche dont la folie détraquait toutes les têtes, les cris continuaient, s'étranglaient, la mort des traîtres, la haine du travail mal payé, le rugissement du ventre voulant du pain. On se mit à couper les câbles, mais la lime ne mordait pas, c'était trop long. Maintenant qu'on avait la fièvre d'aller en avant, toujours en avant. Là-bas, il doit bien 400, les gars. C'était cette fois une course de 5 grands kilomètres. Toujours la queue s'allongeait, s'augmentait des camarades racolés en chemin. Quand ils eurent passé le canal et qu'ils se présentèrent devant la victoire, ils étaient 2000. Trois heures avaient sonné, plus un homme ne restait au fond. Leur déception s'exhala en menaces vaines. Et dans leur rage de n'avoir pas une face de traître à gifler, ils s'attaquèrent aux choses. Levaque, à violents coups de hache, eut l'idée d'arracher les rails d'un bout à l'autre du carreau. Bientôt, la bande entière se mit à cette besogne. Maheu fit sauter les coussinets de fonte, armés de sa barre de fer dont il se servait comme d'un levier. Pendant ce temps, les femmes envahissaient la lampisterie, où les bâtons à la volée couvrirent le sol d'un carnage de lampes. La Maheude, hors d'elle, tapait aussi fort que la Levaque. Ils assiégèrent la cantine, mais on n'y trouva pas de pain. On y découvrit seulement 50 de bouteilles de genièvre qui disparurent comme une goutte d'eau bue par du sable. Étienne, ayant vidé sa gourde, put la remplir. Peu à peu, une ivresse mauvaise, l'ivresse des affamés, ensanglantait ses yeux, faisait saillir des dents de loup entre ses lèvres pâlies. Et brusquement, il s'aperçut que Chaval avait filé au milieu du tumulte. Il jura. Des hommes coururent, on empoigna le fugitif qui se cachait avec Catherine derrière la provision des bois. Ah, oh, bougre de salaud. T'as peur de te compromettre, hein? C'est toi dans la forêt qui demandais la grève des machineurs pour arrêter les pompes? Eh bien, nom de Dieu, nous allons retourner à Gaston-Marie et je veux que tu la casses, la pompe. Oui, nom de Dieu, tu la casseras. Il était ivre. Il lançait lui-même ses hommes contre cette pompe qu'il avait sauvée quelques heures plus tôt. venez d'entendre Germinal d'Émile Zola, dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Sixième épisode. Avec Mohamed Rouhabi, Émeric Le Serre, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Myrtille Bordier, Quentin Bayot, Christophe Brault, Johanna Nizar, Jules Ritmanic, Jean-Pierre Becker, Renato Di Folco et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chesneau. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr.